Années qui s'en viennent. Quand on a 19 ans, on a hâte à l'année prochaine. La Barberie, 19 ans, bientôt 20. Bonsoir à tous les amateurs de bonne musique et ce soir c'est l'émission Terra Incognita jusqu'à minuit et vous êtes en compagnie de Bruno à la mise en onde, France et Jean-François à l'animation et bonsoir France. Bonsoir. Et ben on a encore des belles nouveautés dont un disque que je trouvais peut-être un petit peu étrange, là, c'est l'association entre Liz Claypool, le bassiste de Primus, et Sean Lennon, le fils de l'autre. Et Sean Lennon est assez... D'abord, si on regarde un peu sur Facebook, il ressemble beaucoup à son père. Hein. Mais musicalement, c'est un gars très aventureux. On voit qu'il joue du mellotron sur un album qui s'appelle Monolith of Phobos. Et les deux se nomment de Claypool Lennon Delirium. Et sans dire que c'est délirant, ça demeure très structuré, là. Mais on sent quand même un petit côté aventureux. Et on va entendre deux pièces. Ben, en fait, c'est juste une, mais en deux parties. C'est Cricket and the Gentle, The Genius, plutôt. Et ben, vous allez trouver ça, je pense, assez intéressant. Sean Lennon joue beaucoup de mellotron. Et on va poursuivre avec La Mascara di Cera, avec... Enregistré au Spirit 66. Ben oui, c'est en 2005. C'est deux albums que Fabius Fenty vient de sortir comme ça. Et celui-là, c'est en 2005 et à Milan, c'est en 2002. Donc, c'est des enregistrements qu'on peut quasiment dire d'archives. Là, c'est moins poli un peu là, que les enregistrements habituels. C'est un son qui s'écoute bien quand même, mais on voit que c'est plus brut un peu. Là. On sent des cris là, à certains moments là, qui ont de l'air très réel. On dirait que c'est du monde qui sont dans la maison. Mais ce qu'on va entendre, c'est une pièce un petit peu particulière. C'est que chacun des deux concerts se termine par une pièce mythique. Dans ce cas-ci, c'est « In the Wake of Poseidon » de King Crimson. Et c'est ce qu'on va entendre en deuxième lieu. Et sur l'autre disque, qu'on n'écoutera pas ce soir, là, mais c'est « Darkness » de Van der Graaf Generator. Et ce bloc se terminera avec « Universe Effect », une pièce instrumentale. Et tu voulais nous parler de concert, France? Oh, j'en parlerai tantôt parce qu'il ne baigne trop. OK. Donc, on commence avec le duo Liz Claypool et Sean Lennon. This little magic bottle that's

Oh, Le groupe de Québec, Universe Effect, avec la très bonne pièce The Artifacts, c'est tiré de leur album In Days That Surround Us. Et juste avant, c'était La Mascara d'Ichera dans leur interprétation de In the Wake of Poseidon. C'est sur un album qui s'appelle Live from the Past Belgium 2005. Et on avait débuté avec le duo Les Claypool et Sean Lennon. De Claypool, Lennon, Delirium. Un bon album, un petit peu étrange, là, qui sonne un peu années 60, qui s'appelle Monolith of Phobos. Entendu Cricket and Genie. Et ben merci à un auditeur qui nous a appelé pour nous donner son avis sur ce qu'il jouait. Il a trouvé ça très bon. Vous pouvez nous rejoindre au 640-1586, évidemment pas quand on est au micro. Autrement, vous pouvez avoir la liste de tout ce qu'il joue sur le site www.terraincognita.québec. Vous pouvez aussi voir la page Facebook de Terra Incognita. Et France, tu voulais nous parler de concerts? Oui, les concerts qui vont coûter une fortune cet automne. On commence le 3 septembre par Aachen qui vont jouer au Cirque. Le 2 octobre, Mystery au même endroit. Le 4 octobre, Symphonie X, j'ai toujours de la misère à le dire. Hillward. Puis le groupe qu'on vient d'entendre, Universe et Fix, qui vont jouer à la salle multi de Méduse. Mm-hmm. Le 5 octobre, les Prus, au même endroit. Le 6 octobre, Projet Object, qui joue la musique de Frank Zappa, à salle Sylvain Lelièvre. Martin Barre, qui joue la musique de Jethro Tull, la même affaire à la salle Sylvain Lelièvre. Et le 19 octobre, Dwezel Zappa à l'Impérial. Bon, mais ça fait une pour le moment, c'est ça qui est annoncé. Il y a Marianne aussi au mois de novembre, mais il fait longtemps qu'il est annoncé, lui. Bon, mais ça en fait beaucoup. Mais on a aussi beaucoup de belles musiques. Il y a un groupe qu'on s'attend plus de voir à Québec, c'est Deus Ex Machina. Il y en avait des questions des années 90. Mais là, je pense qu'il ne tourne plus tellement. Mais il y a quand même un nouvel album qui s'appelle Devoto, qui est sorti récemment sur Cuneiform Records. Et ben on va en entendre une pièce. Ils vont être au Prog D au mois de septembre. Prog D au mois de septembre? Oui. Bon. Prog D. C'est au mois de septembre? Oui. Good. Ils sont déjà passés, oui. 2-3 septembre. Oui, ils sont déjà passés il y a quelques années. Ouais. Là. Bon, mais ils retournent à leurs anciens amours. Et ben on va poursuivre aussi avec Vector K, très bon groupe de la région de Montréal, qui a sorti un bon disque concept qui s'appelle Incident au café. Et on terminera ce bloc avec un groupe que Bruno m'a fait découvrir la semaine dernière, c'est le groupe italien Ego. Donc je me suis dépêché de me procurer ce très bon disque, on va en entendre un autre extrait. We'll be right back. jamais eu de nous. David n'est que ce que tu aurais préféré. Depuis la honte et le dégoût. Depuis ce jour où tout a basculé. Où dans la foule tu t'es livré. Dans la foule tu m'as inventé. Pour survivre à ton geste. Pour survivre à l'homme que tu étais.

La réalisatrice Marjorie Champagne rencontre le cinéaste globetrotteur Hugo Latulippe, créateur de l'exposition 25 fois la révolte au Musée de la civilisation. Le Québec est une société quand même douce, social-démocrate, la plus social-démocrate d'Amérique du Nord, mais c'est en train de s'écrouler, ça. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% chez Chichio Café, 875 rue de Clairefontaine à Québec. chichiocafé.com. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Cette soirée vous est présentée par... La Barberie. J'ai tant rêvé de toi. Sur le cadran solaire de ta vie. Eh bien oui, j'ai tant rêvé de toi et j'espère que vous rêvez de la musique de Terra Incognita. D'ailleurs, il y avait un beau bloc avec de la musique du Québec, avec Vector K. Mais juste avant, c'était Ego, le groupe italien que Bruno m'a fait connaître la semaine dernière et que je me suis dépêché d'aller chercher. Et ben c'est instrumental généralement, sauf une pièce. Et moi, je trouve que ça sonne un petit peu vieux camel. Oui, instrumental. Et ben moi, je trouve ça très bon. Juste avant, c'était Vector K. Et c'est un petit peu... En fait, c'est la pièce Rencontre, Dialogue et Vendetta. C'est sur un disque qui est tout récent, là, qui est sorti... il n'y a même pas 2 mois. Ça s'appelle Incident au café et c'est une histoire un petit peu sordide là, qui est malheureusement trop. Je dirais pas trop, mais c'est très d'actualité parce que c'est une histoire de fusillade. Schizophrénie, peut-être. Mais il faut pas vendre les punchs. Non. On va laisser aux auditeurs le soin de le découvrir. Mais effectivement, oui, on découvre que notre tueur est un peu schizophrène. Et Deus Ex Machina qui avait ouvert et comme je disais Bruno, heureusement qu'il pas heureusement, moi j'aimais ça là, mais sur les 3 premiers disques ils chantaient en latin et maintenant ils font ça en italien. Du meilleur ou du autre, on comprend pas. C'est sûr que pour nous autres ça fait pas une différence énorme. Mais moi je trouve que c'est un très beau disque qui s'appelle Devoto et la pièce qu'on a entendue c'était la plus longue du disque là, et je pense qu'ils se sont payés la traite. Et nous autres ça fait notre bonheur. Et on a encore un bon bloc avec Comédie à Ferreur, un bon groupe anglais qui a sorti un disque il n'y a pas tellement longtemps qui s'appelle Spirit, on va entendre Above the Hill. Big Big Train, on a vu un clip là, que, sur YouTube, là, en fait, de cette pièce-là, le folklore. Là, qui très bon. Ben oui, ça sonne même un petit peu folklorique. Là. C'est un titre qui va bien, je trouve. Et là-dedans, ben, on voit les musiciens en studio là, qui interprètent la pièce. On voit Rickard Soblum avec sa Telecaster. Malheureusement, je trouve qu'on ne le voit pas assez. Là. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce monsieur-là. Et je disais qu'on se payait à traite. Effectivement, on va se payer à traite avec une bonne pièce de Beardfish qui, malheureusement, comme on le disait la semaine dernière, c'est fini, Beardfish, ouais, malheureusement. C'est fini. Pour l'instant, c'est pas une surprise énorme parce que quand on a vu Rickard Soblum comme membre permanent de permanent, faut le dire vite parce que c'est un groupe de studio là, mais Big Big Train, c'est un membre en règle. Là. Son album solo aussi qui donnait des clins d'œil à la dissolution du groupe. Ouais, c'est pour ça que c'est pas une surprise tant que ça. Donc, on va entendre... moi, en tout cas, je trouve que c'est une des très bonnes là, du dernier album, là, Comfort Zone. If We Must Be Apart, on va entendre cette pièce-là au complet. C'est une bonne pièce de 15 minutes. Donc, on y va tout de suite en musique avec Comedy of Error, suivi de Big Big Train et Beardfish. Urban mode. Yeah.

En tout cas, s'ils sont pour se séparer, bien, autant que ce soit sur une bonne note, sur ce disque-là, en tout cas, ça termine bien une carrière. Parce que The Void, qui était sorti juste avant, est plus élevé. Moi, je le trouve moins inspiré. Mm-hmm. Les pièces plus simples, beaucoup plus crues. Moi, je trouve ça moins intéressant. Même si ça demeure quand même bon. Mais c'est jamais du niveau de Sleeping in Traffic. Et bien, encore une fois, on a été chanceux de les voir à la convention, que ça s'appelait Convention Terre Incognita à cette époque-là. Un spectacle vraiment extraordinaire de plus de 2h30, si je me souviens bien. Et de voir Beardfish dans un environnement comme ça, dans une salle qui n'est pas plus grande que ça, ben c'est une vraie bénédiction. Et quand on y pense, on a vu des spectacles vraiment magnifiques lors de ce festival-là. Et ben juste avant, c'était Big Big Train. Eux autres, disons qu'il y a peu de chance qu'on les voit parce que c'est pas un groupe de concert. C'est pas un vrai groupe, en fin de compte. Quoique là, je pense qu'ils en font un petit peu des spectacles, ouais, là, surtout depuis que Record So Bloom est là. Mm. Je pense qu'ils donnent des concerts, mais je pense que ce serait plus en Angleterre, là, leur pays natal. Je pense pas qu'ils vont outre-mer. Et juste avant, un autre groupe anglais, Comedy of Error. Et je vous rappelle que sur le site www.terrainincognita.québec, vous pouvez avoir toute la setlist de ce qu'il a joué ce soir. J'insiste pas trop sur les noms d'albums puis les pièces parce que souvent c'est dans des langues étrangères. Et je pense que c'est plus intéressant d'aller voir ça sur le site. Et aussi le podcast qui est disponible sur le site de CKRL, simplement aller voir la liste des émissions et en cliquant sur Terra Incognita, vous arrivez sur les podcasts qui sont disponibles. Habituellement, c'est les 3 dernières semaines, mais des fois, c'est monté jusqu'à 9 semaines. Et bon, c'est déjà le quatrième bloc qu'on doit entamer. Et malheureusement, on le fait sur une note négative, même si c'est pas quelqu'un qu'on a connu énormément. Je parle de Rob Albrington du groupe Nectar. Un autre qui nous a quittés cette année. Et pas vieux avec ça, 67 ans. Mais j'ai fait une petite recherche et un de ses collègues disait qu'il était mort d'une longue maladie. En fait, ça faisait 3 ans qu'il était malade, mais on précise pas la nature de la maladie comme telle. Mais pour se souvenir de Nectar, je pense la meilleure époque, moi ce qui me concerne, même s'il y a eu des disques récents, le dernier remonte à Time Machine, qui remonte à 2013, l'âge d'or, c'est vraiment les années 70 pour eux autres, comme pour bien des groupes. Là. Et ce disque-là, A Tab in the Ocean, moi, en tout cas, à mon avis, c'est le meilleur. Là. Ce qu'on va entendre, c'est la pièce titre, A Tab in the Ocean. Et il n'y a pas longtemps, en fait, il y a à peu près 2 ans, ce disque-là est ressorti. En fait, c'est en 2013 sur Purple Pyramid. Dans une version double, il y a aussi plusieurs versions de ce disque-là, dont le mix US de 1976 et bootleg officiel. Donc, on va entendre cette pièce-là, A Tab in the Ocean, du groupe Nectar. question, is it real or just deception? Just like it did before. Et c'était Tab in the Ocean du groupe Nectar pour souligner le décès de Roy Albrighton qui est mort cette semaine. Et ben on va terminer avec une pièce de RPWL ou RPVL, Play Pink Floyd. Et ça va faire le lien avec l'émission d'autoroute qui suit avec Stéphane Villeneuve, parce que ça a été longtemps le thème de l'émission d'autoroute. Et ben aussi souligner l'apparition au mois de novembre d'un très très gros coffret de 27 disques oui. qui contient beaucoup de matériel, des choses inédites ou comme par exemple une version de Automatic Mother en quatuor, mais aussi beaucoup de choses comme Membrio que j'ai déjà fait jouer sur le même album de RPVL. Donc, c'est pour le mois de novembre, mais c'est pour les portefeuilles bien garnis parce que c'est très dispendieux. Surtout pour les collectionneurs. Ouais, mais disons que c'est très tentant pour l'amateur aussi. Donc, c'est tout en ce qui nous concerne et on termine avec RPVL, le Derby More Light. Et ça a été le fun d'être avec vous ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine avec Michel. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir.